Listen to me. Écoutez-moi. The Lord is saying, le Seigneur dit, that time is over. Que le temps est fini. He said, il dit, that the Messiah is coming. Que le Messie est en train de venir. And he said, et il dit, that if the Messiah is coming, et si le Messie vient, then the church has to prepare. Alors l'église doit se préparer. And he says, alors il dit, there is a particular way, il y a une manière particulière, in which the church must prepare. Par laquelle l'église doit se préparer. He's saying, il dit, by repentance. Par la repentance. By repentance. Par la repentance. And turning away from sin. En se détournant des péchés. He's saying, il dit, there must be a deliberate effort. Il doit avoir un effort délibéré. You must, it's not something, you see, you will be sucked in by whatever. You will just find yourself in. No, you must make a decision. Non, tu dois mettre une décision. It's not something you wait, you will be sucked in. Non, c'est pas quelque chose que tu vas attendre, que ça va t'emporter comme ça. He's saying, il dit, the nation of Congo, la nation du Congo, Congo Brazzaville, Congo Brazzaville, must make a deliberate decision. Doit prendre une décision délibérée. And say, et dit, we are returning to the Lord. Nous retournons au Seigneur. We are going to uphold righteousness. Nous allons appeler la justice de Dieu. And holiness. La sanctification. And we will change this nation. Alors nous allons changer ce pays. To become a revival nation. Et devenir un pays de réveil. And he's saying, et dit, that decision, cette décision-là, will not be taken, ne sera pas pris, by the bank managers, par les managers de banque, by police, par la police, by the doctors, par les médecins. Alleluia! Alleluia! He said, il dit, that the person who will make that decision, la personne qui va prendre cette décision, the church, l'église, the church is the light of the nation. L'église, c'est la lumière de la nation. And the pastor, le pasteur, has a central role. Ils ont un rôle central. Oh yes. Oh oui. Oh, we have revival. Oh, nous avons le réveil. A preacher is coming from Canada. Il y a un prédicateur qui vient du Canada. We have revival this weekend. On a ce weekend, on a le réveil. He's coming to tell us. Il va venir nous dire how beautiful life is in Canada. Comment la vie est belle au Canada. So we have revival. Alors on va avoir un réveil. No, that is something else. Non, ça c'est quelque chose d'autre. I am talking about. Moi je suis en train de parler. The revival of repentance. Le réveil de la repentance. The revival of holiness. Le réveil de la sanctification. The revival of righteousness. Le réveil de la justice. The revival of returning to the Lord. Le réveil de revenir au Seigneur. The other things are something else. Les autres affaires c'est quelque chose d'autre. I don't know about the others. Les autres je ne sais pas moi. I'm talking about the revival of the Holy Ghost. Je parle du réveil du Saint-Esprit. The Holy Spirit. Le Saint-Esprit. Ah. The Lord is saying, que le Seigneur dit, that if the Messiah is coming, que si le Messie est en train de venir, then there is a garment. Alors il y a un vêtement à porter. A robe. Il y a une robe. There is a garment. Il y a une robe. A garment must be prepared. Il y a un vêtement qui doit être préparé. A garment of righteousness. La robe de la justice. And the pastor. Et le pasteur, you are at the center of that process. Vous êtes au centre de ce processus. That is the truth. Ça c'est la vérité. He says, il dit, don't envy the preachers of the law. N'enviez pas les prédicateurs du monde. Their judgment will be worse. Their whistle will be worse. Judgment. Votre jugement sera worse. Ça va être pire. Yes. Now, maintenant, I want to talk about the garment of the Lord. Je vais parler sur la robe du Seigneur in this nation. Dans cette nation. The garment the church is wearing. La robe que l'église est en train de porter. What the Lord has shown me. Ce que le Seigneur m'a montré. About the garment. Au sujet de cette robe. In the church. Dans l'église. Listen very carefully. Écoutez attentivement. The Bible is very clear. Que la Bible est très claire. On what garment the church needs to wear. Quel genre d'habit l'église doit porter. The Bible says, la Bible dit, without stain, sans tache, without wrinkle, sans ride, without manchas, sans tache aussi, without stain, without wrinkle, sans tache, sans ride, glorious, mais glorieuse, holy, sainte, mature, mature, perfect, parfait. Jesus died on the cross. Jésus est mort à la croix. He did a perfect job. Il a fait un travail parfait. He deserves a perfect bride. Il mérite une épouse parfaite. He deserves. Il mérite cela. The Lord has shown me that the garment in this church, le Seigneur m'a montré que la robe dans cette église, has a few stains. Il a plusieurs taches. One stain, une tache, is called sexual sin. Est appelé péché sexuel. Sexual sin, le péché sexuel, inside the church, à l'intérieur de l'église. Sexual sin, le péché sexuel, inside the church, dans l'église, at the pulpit, au pupitre. And when sexual sin, et quand le péché sexuel, is at the pulpit, est au pupitre, then you can be sure it will consume the church. Alors c'est sûr que ça va consumer toute l'église. Stain number one that we must clean up in repentance is sexual sin in the church. La première tâche que nous devons enlever dans l'église, c'est le péché sexuel dans l'église. Inside the church. À l'intérieur de l'église. I come to you. Je suis venu vers vous. That Jesus may have a holy bride. Afin que Jésus puisse avoir une épouse sainte. Number two. Deuxième chose. The second stain. La deuxième tache. That the Lord has shown me in this church. Que le Seigneur m'a montré dans cette église. Is called. Est appelé. Falsehood. La fausseté. Falsidad in Spanish. La falsidad en español. You are false apostles. Les faux apôtres. And false prophets. Et les faux prophètes. And hence, because of that, à cause de ça, you are false prophecy. Vos fausses prophéties. And false tongues. Et les fausses langues. Oh yes. Oh oui. Because, parce que, if the Lord, si le Seigneur, was speaking with them, parler avec eux, the way he speaks with me, la manière qu'il parle avec moi, then number one, I don't need to come. Premièrement, je n'ai pas besoin de venir ici. Number two, deuxièmement, the Lord would have told them, le Seigneur leur aurait dit, remove the nation from sin. Sortez la nation du péché. He would have told them, il aurait leur dit, remove the church from sin. Sortez l'église du péché. Begin a revival of repentance. Commencez un réveil de repentance. Do you understand me? Vous me comprenez? It's very simple. C'est très simple. Apostle. Apostle. Apôtre. Apostle. Apôtre. Apôtre. I told you. Je vous dis. The Bible is the reference. La Bible, c'est la référence. You don't need to say, oh, how will we know? Vous n'avez pas besoin de dire, oh, comment est-ce qu'on le saura? The Bible. La Bible. Is right there. C'est là. Whenever the Lord speaks. Chaque fois que le Seigneur parle. Holy. Saint, holy. Saint. Holy. Saint. Holy. Saint. Be holy. Soyez saint. For I am holy. Parce que je suis saint. Whenever the Lord blesses you. Chaque fois que le Seigneur vous bénit. If you look at that blessing, quand tu regardes cette bénédiction, it will say, ça va dire, holy, saint, holy, saint, holy, be holy, saint, soyez saint. The other stain, votre tâche, the gospel of prosperity, l'évangile de la prospérité, the gospel that came from the devil, l'évangile qui est venu du diable, the gospel that says, l'évangile qui dit, if you bribe God, he will not look at holiness. Si tu voles Dieu, il ne va pas voir la sanctification. The gospel of the world. L'évangile du monde. This gospel has destroyed the church. Cet évangile machine a détruit l'église. Because, parce que, look, regardez, it is a horizontal gospel. C'est un évangile qui est horizontal. Teaching you, vous enseignant, how to live well on the earth. Comment vivre bien sur la terre. How about the kingdom of God? Mais qu'en est-il du royaume de Dieu? If the pastors, si les pasteurs, the apostles, les apôtres, and the prophets, et les prophètes, are leading you to the world, vous conduisent au monde, who will lead you to the kingdom of God? Qui va vous conduire au royaume de Dieu? Oh yes. Oh oui. I come, je suis venu, to destroy the gospel of prosperity. De détruire l'évangile de la prospérité. The gospel that has no power for deliverance. Cet évangile n'a aucune puissance pour la délivrance. They sit in the church. Ils s'assoient à l'église. They give you an offering. On vous donne des offrandes. So you don't want to rebuke them. Alors tu n'as pas le temps de les réprimander. Because you know, parce que tu sais, if you rebuke them, si tu les réprimandes, they will walk out. Alors ils vont partir. And they will cross the street. Alors ils vont aller à l'autre côté de la rue. To your enemy's church. À tes ennemis église. Your enemy's church. Les églises sont ennemies à toi. And they will reach there. Alors ils vont aller là-bas. And start doing big projects. Alors ils vont donner des grands projets là-bas. Start shelling big money. Commencer à donner beaucoup d'argent là-bas. And they want you to hear. Et ils veulent que tu puisses écouter qu'ils ont donné beaucoup là-bas. It is better you have three families. C'est mieux que tu aies trois familles seulement. Going to the kingdom of God. Qui entrent dans le royaume de Dieu. Than 10,000 going to hell. Que 10,000 qui vont en enfer. It is better. C'est mieux. Three families. Que trois familles. That will enter. Puis entrer au ciel. Than 10,000. Que 10,000. Going to hell. Aller en enfer. The gospel must change. L'évangile doit changer aujourd'hui. That's why I come. C'est pourquoi je suis venu. When you rebuke, quand tu vas les réprimander, then the Lord, alors le Seigneur, the Lord of the harvest, le Seigneur de la moisson, will now fill the house. Il va encore remplir la maison. Alléluia. This God, c'est Dieu. This God, c'est Dieu. This is a good God. C'est un bon Dieu. He must be a God of holiness. Il doit être le Dieu de la sainteté. Hallelujah! Hallelujah! The moment of truth. Le moment de vérité. The moment of purity. De vérité. The moment of righteousness. Le moment de la droiture. We must choose the Lord. On doit choisir l'Éternel. And only the Lord. Seulement le Seigneur. Nothing else. Personne d'autre. Whether you remain alone, même si tu restes seul, just choose the Lord. Mais choisis seulement le Seigneur. Look at me. Regarde-moi. I stood alone. Je suis resté seul. Look at me. Regarde-moi. In the whole world, dans le monde entier, I have remained standing alone. Je suis resté seul. I have no friends. Je n'ai pas d'amis. Only the Lord. Seulement le Seigneur. Oh yes. Oh yes. If you don't stand for the Lord today, si tu ne te mets pas debout pour le Seigneur aujourd'hui, when will you stand for the Lord? Quand est-ce que tu vas te mettre debout pour Dieu? Today he needs you. Aujourd'hui il a besoin de toi. Stand for the Lord. Laisse-toi mettre debout pour le Seigneur. And stand alone. Et reste seul. With the holiness of God. Avec la sainteté de Dieu. Whether they blackmail you. Même si ils te donnent des mauvaises idées. They abuse you. Même si ils t'abusent de toi. Don't worry. Ne t'inquiète pas. They abuse Jesus also. Ils ont abusé Jésus aussi. Oh yes. Oh yes. Hallelujah. This is the hour. Ça c'est l'heure. It's a beautiful thing. C'est une chose merveilleuse. To be a Christian today. D'être un chrétien aujourd'hui. It's a beautiful thing. C'est une belle chose. To be a pastor today. D'être un pasteur aujourd'hui. Because, parce que, you can leave the world. Tu peux quitter le monde. And stand for the Lord. Et tenir debout pour le Seigneur. At this hour. À cette heure ici. Oh yes. Oh oui. Maybe you are not popular. Peut-être que vous n'êtes pas populaire. Don't worry. Ne vous inquiétez pas de ça. Even me, I'm like that. Mais moi aussi, je suis comme ça. And I knew. Et je sais. The world. Le monde. Rejected Jesus. A rejeté Jésus. Why? Pourquoi? Because Jesus. Parce que Jésus. Testified against sin. Il a témoigné contre le péché. So when the world rejects me, quand le monde m'a rejeté, then I know I am serving the Lord. J'ai su que je servais le Seigneur. But the Lord God is faithful. Parce que le Seigneur est fidèle. When you stand with him, si tu te tiens debout avec le Seigneur, he will stretch your tent. Il va élargir ta tente. Because at this hour, à cause de cette heure ici, there is revival. Il y a le réveil. Yes. Oui. The church. L'église. The pastor. Le pasteur. When there is no rain, quand il n'y a pas la pluie. Listen. Écoutez. When there is no rain, quand il n'y a pas la pluie. When there is no rain in the land, quand il n'y a pas la pluie dans le pays. You cannot have the United Nations Security Council. Tu n'auras pas le conseil des Nations Unies. To meet. Pour se rassembler. And pass a resolution. Et passer une résolution. Saying. Et dire. Let there be rain. Laisse qu'il puisse avoir la pluie là-bas. You don't understand. Vous n'avez pas compris. You don't understand where you're standing. Vous savez pas où vous vous mettez debout. You are standing at the place of power. Vous vous tenez sur l'endroit de la puissance. You cannot have the UN Security Council. Vous pouvez pas avoir le Conseil de sécurité des Nations Unies to meet, de se rassembler and pass a resolution. Et passer une résolution saying, en disant, let there be rain in Brazzaville. Est-ce qu'il peut pleuvoir à Brazzaville? The World Bank, la Banque mondiale. Cannot meet, peut pas se rassembler and declare, et déclarer that let there be rain, qu'il y ait la pluie là-bas. The IMF, le Fonds monétaire international, FMI, the International Monetary Fund, le FMI, le Fonds monétaire international, cannot meet, il peut pas se rassembler. The World Health Organization, l'Organisation mondiale de la santé, the EU, l'Organisation mondiale de la santé, EU. Cannot meet, peut pas se rassembler and pass a resolution, et passer une résolution saying, disant, let there be rain in Brazzaville, qu'il y ait la pluie à Brazzaville. But when the church, mais quand l'église, goes before the Lord, va devant l'Éternel, alléluia, and the church, et l'église, repent, se repent, and speak to God, et parle à l'Éternel, and the church, et l'église, say, dit, let there be rain, qu'il y ait la pluie, there will be rain, il y aura la pluie, alléluia, alléluia, alléluia, the church has the say. Has the power. L'église a la puissance. Has the say. A la parole. In the land. Dans le pays. Don't waste the authority of Jesus. Ne perdez pas l'autorité de Jésus. For food of the stomach. À cause de la nourriture de l'estomac. Don't. No. Don't. No. Stand for righteousness. Restez debout pour la droiture. False apostles. Les faux apôtres. In this land. Dans ce pays. False prophets. Les faux prophètes. I have come with a sword. Je suis parti avec l'épée. To cut their necks. De couper leurs têtes. It must come to an end. Ça doit s'arrêter. You must finish. Vous devez finir. You must finish it. Vous devez finir ça. Oh yes. Oh oui. Because at one point. Parce qu'à un moment. We have to worship Jehovah. On doit adorer l'Éternel. At one point. À un moment, on doit adorer l'Éternel. Listen to me. Écoutez-moi. The Bible says, la Bible dit, in Matthew 22, dans Matthieu 22, he speaks very clearly, il parle clairement, about the garment, au sujet de l'effectement. In Matthew 22, dans Matthieu 22, he says, il dit ceci, that he sent a servant, il a envoyé un serviteur, to tell the church, de dire à l'église, that the wedding is ready, que les noces de l'agneau sont prêtes. But the church refused. Mais l'église a refusé. Refused to listen. Ils ont refusé d'écouter. It's amazing. C'est étonnant. He sends now the servant go to the streets. Il envoie maintenant les serviteurs d'aller dans les rues. And get anybody. Prends n'importe qui. The church refused. L'église avait refusé. The Bible says. La Bible dit. Those for whom the wedding was prepared. Ceux pour qui les noces étaient préparées. That is the church. Ça c'est l'église. Those for whom the wedding was prepared. Ceux pour qui les noces étaient préparées. That is the church. Ça c'est l'église. Those for whom the wedding was prepared. Ceux pour qui l'église était préparée, les noces étaient préparées. But listen to this now. Mais écoutez ceci maintenant. When the Lord, quand le Seigneur, comes to see the people that have assembled. Quand il vient voir les gens qui étaient rassemblés. He meets somebody there. Il a rencontré quelqu'un là-bas. Listen to what he says. Écoutez ce qu'il dit. Matthew 22. Matthieu 22. Hallelujah. Hallelujah. And he says here, it is a CEC. Verse 11. Verset 11. Matthew 22:11. Matthew 22, verset 11. He says, it is. But when the king came in to see the guests, he noticed a man there who was not wearing wedding clothes. Le roi entra pour voir ce qui était à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Friend, he asked, how did you get in here without wedding clothes? The man was speechless. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Mon ami, haver sheli, in Hebrew, en hébreu, rafiki, rafiki, in Swahili, en Swahili, mon ami, the Lord, le Seigneur, calls him mon ami, a appelé cet homme mon ami, meaning, ça veut dire, they knew each other, ils se connaissaient. Be careful, faites attention. They knew each other. Ils se connaissaient. Who is the friend of the Lord? Qui est l'ami du Seigneur? Be careful. Faites attention. Be careful. Faites attention. Who is the friend of the Lord on the earth? Qui est l'ami du Seigneur sur la terre? Be careful. Faites attention. And you see. Et vous voyez. When it comes to the matter of the garment. Quand ça arrive sur le problème des vêtements. He says. Il dit. He does not know mon ami. Il ne connaît pas mon ami. He doesn't want to know. Il veut même pas le reconnaître. When it comes to the garment, quand ça arrive sur les vêtements de noces, it does not matter. Ça peu importe. Even mon ami, he throws out. Même mon ami, il les jette dehors. When it comes to the garment, quand ça vient sur les vêtements de noces, be careful. Faites attention. This prophecy, cette prophétie, must be fulfilled. Faut s'accomplir. Those are the words of Jesus himself. Ça, ce sont les paroles de Jésus-Christ lui-même. They are in red. C'est en rouge. Mon ami, Rafiki, Rafiki, Averisheli, Averisheli. It is beautiful to stand with the Lord at this hour. De se mettre debout avec le Seigneur à cette heure-ci. That is the message I bring to the church. Ça, c'est le message que j'amène à l'église. It does not matter what the world says. Peu importe ce que le monde dit. You just stand with the Lord. Vous restez seulement attaché au Seigneur. When that day comes, quand ce jour viendra, récompense. Il y aura la récompense. Don't preach the gospel for the stomach. Ne prêchez pas l'évangile à cause de l'estomac. Many pastors all over the world. Beaucoup de pasteurs dans le monde entier. They are struggling for survival. Ils sont en train de se battre pour survivre. For the stomach. À cause de l'estomac. Look at me. Regardez-moi. I reject and rebuke money every day. Je rejette et je réprimande sur l'argent chaque jour. But I have not yet slept in the streets. Mais je n'ai pas dormi dans la rue encore. Next to the public toilet. À côté des toilettes publiques. With an old blanket. Avec un une couverture aux yeux. Blanket. Une couverture. I have not yet. Je n'ai pas encore. Then I understood. Alors j'ai compris. That the Lord does not want to humiliate the pastor. Que le Seigneur ne veut pas humilier le pasteur. No. No, no, no, no. He wants you to stand with him. Il veut que vous soyez debout avec lui. So he can honor you. Afin qu'il puisse vous honorer. The gospel of prosperity. L'évangile de la prospérité. Must come to an end. Doit s'arrêter. The gospel that came from the devil. C'est l'évangile qui vient du diable. The gospel of the stomach. L'évangile de l'estomac. And rent. Et de loyer. To pay, I need to pay rent for the church. Je dois payer le loyer pour l'église. Right now, I need to do projects. Non, j'ai des projets à faire maintenant. And so I need money. Alors j'ai besoin d'argent. And I ask them. Et je leur ai posé la question. Who tells you? Qui vous a dit? That you need money. Que vous avez besoin d'argent. Who tells you you need money? Qui vous a dit que vous avez besoin d'argent? You don't need money to do ministry. Vous n'avez pas besoin d'argent pour faire le ministère. All you need, tout ce que vous avez, is the anointing of the Holy Spirit. Vous avez besoin de l'onction du Saint-Esprit, which is the favor of God in your life. C'est qui est la faveur de Dieu dans votre vie. Favor, la faveur. We need money. On a besoin d'argent. Who tells you you need money? Qui vous a dit vous avez besoin d'argent? Some people, somebody came and said, Pastor, this is my land. I see that this is small. Can we build a church there? L'autre est venu en disant, pasteur, ça c'est mon terrain. Ici c'est peut-être ce qu'on peut bâtir l'église de l'autre côté là-bas. And if you look at the monetary value, et quand tu regardes la valeur monétaire, it is higher than the money they were looking for. C'est plus grand que l'argent qu'ils cherchent. Let us depend on Jesus. Dépendons de Jésus-Christ. Let us depend on the Lord. Dépendons du Seigneur. Let us wait on the Lord. Attendons de la part du Seigneur. Let us ask for the will of God to be done. Demandons que la volonté de Dieu soit faite. You cannot preach faith. Tu ne peux pas prêcher la foi. When you don't have faith. Quand tu n'as même pas la foi toi-même. Let us stand with the Lord. Restons attachés debout au Seigneur. Alléluia. Alléluia. But you have seen. Mais vous allez voir. That when it comes to the garment of Jehovah. Quand ça arrive au vêtement du Seigneur. Mon ami. He is ready to throw you out. Il est prêt de te jeter dehors. When it comes to the garment, there is no mon ami. Quand ça vient au vêtement, il n'y a plus de mon ami. Only they that wear the garment. Seulement ceux qui portent le vêtement. The garment of righteousness. Le vêtement de la justice. They are called mes amis. On les appelle mes amis. Those are the friends of God. Ce sont les amis du Seigneur. Let us prepare the garment for this nation. Préparons le vêtement pour cette nation. And that's why I told you. C'est pourquoi je vous ai dit. I can see you are still worshiping very well. Je peux voir que vous continuez d'adorer bien. You have not suffered what other nations have suffered. Vous ne souffrez pas ce que d'autres nations sont en train de souffrir. You are still worshiping without guns waiting vous on you like this. Vous adorez ça qui est des armes à côté qui peuvent vous surveiller. Use that time to prepare the church. Utilisez ce temps pour préparer l'église. Don't reach a time where you cannot worship. N'attendez pas le temps où vous ne serez pas capable d'adorer. Did you understand? Est-ce que vous me comprenez? This is the hour to prepare the church. C'est l'heure de préparer l'église. You can essentially prepare the whole nation. Vous pouvez essentiellement préparer toute la nation. Unto the Lord. Au Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. The book of Zechariah. Le livre de Zacharie. Zechariah chapter 3. Zacharie chapitre 3. Verses 1 to verse 6. Verset 1 à 6. He talks about the garment. Il parle de vêtements. What does he say about the garment? Qu'est-ce qu'il dit du vêtement? Zechariah chapter 3. Zacharie chapitre 3. Verses 1 to verse 6. Verset 1 au verset 6. Let me explain to you. Laissez-moi vous expliquer. He talks about Joshua. Il parle de Josué le sacrificateur. He says, il dit, that when it was time to appear before the Lord, quand c'était le moment d'apparaître devant le Seigneur, Joshua also appeared. Josué aussi est apparu. But when he appeared, mais quand il est apparu, the devil appeared on his right hand side. Le diable est apparu à sa droite. And you hear the Lord rebuking the devil. Et vous écoutez le Seigneur réprimander le diable. And the Lord is asking, le Seigneur demande, isn't this man, est-ce que cet homme, a stick, un bâton, snatched from the fire, qui est retiré du feu? And you hear the Lord saying, et tu entends le Seigneur dire, that Joshua was dressed in filthy garments. Que Josué était habillé de vêtements sales. And you hear the Lord saying, et tu entends le Seigneur dire, that even the turban, mais le turban, was filthy. Le turban aussi était souillé. Can I explain to you this? Est-ce que je peux vous expliquer ceci? Joshua here represents Israel. Josué ici représente Israël. When the Lord raised Israel, quand l'Éternel a élevé Israël, He raised her as a priestly nation. Il a élevé Israël comme une nation prêtrice. The turban is the symbol of priesthood. Le turban est le symbole du sacerdoce. And if you open the folding of the turban here, the folding. Et quand tu ouvres l'ouverture du turban, there is a writing that is inserted. Il y a une écriture qui est insérée à l'intérieur. And that writing says, et cette écriture dit, holy unto the Lord. Sainteté à l'Éternel. And so, alors, when Joshua filthified his garments, quand Josué a souillé ses vêtements, when Israel filthified her priestly garments, quand Israël a souillé ses vêtements de sacerdoce, the devil, le diable, put his mark. Il a mis, on the garment. Il a mis ses marques sur ses vêtements là. You should be able to see the church as I speak this. Vous devez voir l'église pendant que je parle de ceci. You should be able to pick the church out of this. Vous devez prendre voir l'église au travers de ceci. I'm speaking about Israel. Je parle d'Israël. But you should be able to see the underpinnings. Vous pouvez voir l'image. The message is transmitting to the church. Le message est transmis à l'église. He's saying, il dit ceci. In Hebrew, en hébreu, When they said, quand on dit, standing before the Lord, se mettre debout devant l'Éternel, it means ministering to the Lord. Ça veut dire faire le service devant l'Éternel. Ministering to the Lord. Faire le ministère devant Dieu. So he says, c'est-à-dire, il dit, that when Joshua appeared, quand Josué est apparu, his garment was filthy. Son vêtement était souillé, sale. Even the turban, même le turban, and the devil appeared, et le diable est apparu, and began to claim right over Joshua, et commençait à réclamer les droits sur Josué. And you see the same thing with the church today. Et voyez la même chose pour l'église aujourd'hui. That when the church goes to worship, quand l'église va adorer, the devil has put some mark, le diable a mis certaines marques, and he keeps saying, il continue à dire, how can you preach holiness? Comment pouvez-tu prêcher la sainteté? It's like a pastor. C'est comme un pasteur. It's like a pastor trying to preach holiness. C'est comme un pasteur qui essaie de prêcher la sanctification. And there is a girl he is lusting at in sexual sin with a girl. Et il y a une fille qu'il est en train de convoiter dans l'église. There is a girl in sexual sin with him. Et il y a une sœur qui est en péché sexuel avec lui. And he's trying to preach. Et il est en train d'essayer de prêcher. And she says. Et elle dit. Ah, who is talking? Ah, mais de quoi il parle? You can even say like that. Tu peux même dire ça. Don't you remember yesterday at night? Non, est-ce que tu as oublié hier soir la nuit? What you were telling me on the phone? Qu'est-ce que tu me disais au téléphone? That is what the enemy did with Joshua. C'est ce que l'ennemi avait fait avec Josué. Saying, who is standing here? What are you saying? Il dit, qui est debout ici? Qu'est-ce que tu dis? Look at your garment. Regarde ton vêtement. But when you read further, mais quand tu lis plus tard, you hear the Lord ordering, remove his filthy garment, put clean garment on him. Tu vois le Seigneur donner l'ordre qu'on enlève les vêtements sales et mettre des habits purs sur lui. And he says, clean sandals. Lavez les sandales. Clean turban. Et le turban purifié. From that point on, à partir de ce point-là, you don't hear the devil claiming right. Tu n'entends plus le diable réclamer les droits sur Josué. When the garment changes, quand on a changé les vêtements, that is what is happening in the church today. C'est ce qui arrive à l'église aujourd'hui. Because the church went to sleep. Parce que l'église est allée dormir. The homosexuals entered the church. Les homosexuels sont rentrés à l'église. And they are now claiming right. Et maintenant ils réclament des droits à l'église. In Canada they can come and say, marry me, marry us. Au Canada ils peuvent venir et dire, marie-nous, marie-nous. If you refuse, they take you to court. Si tu refuses, on t'amène à la cour. Listen to this. Écoutez ceci. This is not a joke. Ce n'est pas une blague. In Europe, en Europe, two homosexuals can come to you. Deux homosexuels peuvent venir à vous. And they say, Pastor, we want you to marry us. Et dit, Pasteur, nous voulons que tu nous maries. If you refuse, si tu refuses, they take you to court. On t'amène à la cour. It is not a joke. Ce n'est pas une blague. What I'm saying here is not a joke. Ce que je dis, ce n'est pas une blague. The enemy has claimed right over the church. L'ennemi réclame des droits sur l'église maintenant. So when Joshua was in filthy garments, et quand Josué était dans les vêtements sales, the devil claimed right. Le diable a réclamé des droits sur lui. And that's what you see in the church. C'est ce que vous voyez à l'église. Because, parce que, the church went to sleep. L'église est allée dormir. The enemy planted the bad seed. L'ennemi a planté la mauvaise semence. That's why the liars have entered the pulpit. C'est comme ça le mensonge est entré sur le pupitre. The liars. Les menteurs. They can stand at the pulpit and lie. Ils peuvent se mettre sur la chair et mentir. Meaning, ça veut dire, the enemy is claiming right. L'ennemi réclame des droits. If you tell them, false prophets leave the church. Si vous disiez faux prophètes, quittez l'église. They say, no, no. Ils vont dire, non, non. I am also called by the Lord. Je suis aussi appelé par l'Éternel. If you tell the false apostles, get out, get out. Oh, faux apôtres, les sortez, sortez. No, no. No, no. Even me, I'm a servant. No, si je suis un serviteur. What I'm telling you here is not a joke. Ce que je vous dis, ce n'est pas une blague. You have a real chance to close the door. Vous avez une grande chance de fermer cette porte. And announce, et annoncer, to the false prophets, aux faux prophètes, the apostles, les apôtres, who come and say, et viennent dire, the Lord wants to bless only 10 people here. Le Seigneur veut seulement bénir 10 personnes ici. Only 10. Seulement 10. Serious people. Les gens sérieux. Who can sow a serious seed. Qui peuvent semer une semence sérieuse. You can clean them out now. Vous pouvez les chasser maintenant. Before it is too late. Avant que ce soit trop tard. You can tell them. Vous pouvez leur dire. We stand with the Lord. Nous tenons debout devant l'Éternel. Out. Toi, dehors. Don't play around with the devil. Ne jouez pas autour du diable. The devil wants the church to go to hell. Le diable veut que l'église aille en enfer. So it's not a joke. Ce n'est pas une blague. It's a big fight. C'est un grand combat. That is what happened with Joshua. C'est ce qui arrive avec Josué. Joshua here symbolizes the nation of Israel. Josué ici symbolise la nation d'Israël. They made the turban also filthy. Ils ont rendu aussi le turban souillé. But that's what you see in the church. Mais c'est ce que vous voyez à l'église. You hear the scandals. Vous entendez les scandales. Oh, you see. Oh, vous voyez. This pastor, the wife is complaining. Oh, la femme de ce pasteur se plaint. There is a woman in the church who is too close to her. Il y a une femme à l'église qui est trop proche du pasteur. The women in the church are complaining. Les femmes de l'église sont en train de se plaindre. That this pasteur is neglecting his family. Ce pasteur est en train de négliger sa famille. The women are not happy in the church. Non, les femmes ne sont pas contentes à l'église. Oh yes. Oh oui. Oh yes. Oui. Sometimes, you know, the Lord shows me quite a bit. Vous savez, le Seigneur me montre beaucoup. Sometimes he shows me pastors. Des fois, il me montre les pasteurs. One woman is closer to him than the wife. Une femme qui est plus proche de lui que sa propre femme. And the wife is complaining. Et la femme se plaint. That how come this woman knows everything when the vehicle should be serviced, when your clothes should come from the dry cleaner, and the wife does not know. Comment est-ce que cette femme connaît quand les voitures doivent être réparées, quand amener les habits au pressing? Cette femme connaît tout avant moi, la femme de la maison. The Lord, le Seigneur, speaks to me about that in dream. M'a révélé cela en rêve. So it's very serious. Alors c'est très sérieux. It's extremely serious to the Lord. C'est très sérieux avec le Seigneur. If you want to serve the Lord, si tu veux servir le Seigneur, then cross over. Alors change de camp. And stand with the Lord. Et reste debout attaché au Seigneur. But if you want to mix with the world, alors si tu veux mélanger avec le monde, then cross over. Alors change de côté l'autre côté. And remain there. Alors reste là-bas. He died on the cross. Il est mort à la croix. They murdered him. On l'a tué. It is not a joke. Ce n'est pas une blague. Listen to me. Écoutez-moi. When I was going to Venezuela for the national revival, quand j'allais au Venezuela pour le réveil national, I reached South Africa. Je suis arrivé en Afrique du Sud, Johannesburg. Au Johannesburg. Then I found that the flight has gone. Et je me suis rendu compte que mon avion était déjà parti. To cross the ocean. Pour traverser l'océan. To Sao Paulo. À Sao Paulo. So I can cross the continent. Afin de traverser le continent. Up to Caracas. Jusqu'à Caracas. So they told me. Alors on m'a dit. Wait for the flight tomorrow. Attends l'autre avion demain. So I said. Alors j'ai dit. Let us wait. On va attendre. And we did not have money to go to the airport hotel. Alors, on n'avait pas d'argent pour aller à l'hôtel de l'aéroport. And when we asked, alors quand on a demandé, they told us, on nous a dit, for the floor, le parquet en bas, that one is free of charge. Ça c'est gratuit. That one you don't have to pay. Là tu n'as pas besoin de payer. So I slept there. I used my bag as a pillow. Alors j'ai utilisé ma valise comme oreiller. For 24 hours. Pendant 24 heures. Remember, our Lord Jesus did not have a home. Rappelez-vous, notre Seigneur Jésus-Christ n'avait même pas de maison. Remember that. Rappelez-vous de ça. Remember that every time the Lord Jesus ministered, when he finished, he withdrew to the Mount of Olives. Rappelez-vous chaque fois que le Seigneur finissait de faire le ministère, il se retirait au Mont des Oliviers. Where he rested his ribs on the rock. Il dormait sa poitrine sur le roc. So on that day, à ce jour-là, I understood what Jesus went through. A little bit of what Jesus went through. J'ai compris un peu par où Jésus-Christ s'est passé. And people were walking. Et les gens marchaient. Next to me. À côté de moi. Some of them I heard. Certains d'entre eux, j'ai entendu. They were saying. Ils disaient. This is the man of God. Oh, celui-ci c'est l'homme de Dieu. Oui, I cannot believe that. Oh, je peux pas croire ça. This is not the man of God. Mais ce n'est pas ça l'homme de Dieu. They were talking as they passed. Ils parlaient comme ils partaient. But at that place, mais à cet endroit-là, the Lord came. Le Seigneur est venu. And spoke with me. Il m'a parlé là-dessus. I saw the visions of the Lord. J'ai vu la vision du Seigneur. What did I see? Qu'est-ce que j'ai vu? The voice said. La voix a dit. Look and see who is coming. Regarde et vois qui vient. And when I looked left in that vision, left. Quand je regardais à gauche dans cette vision. Then I saw the coming of the pale horse. Et je voyais la venue du cheval pâle. July 29th. Le 29 juillet. 2009. 2009. And that's when I began to give the prophecy of the Arab unrest, the bloodshed in the Arab world. C'est là que je commençais à donner la prophétie sur les sang qui doit couler dans le monde arabe. Until it happened. Jusqu'à ce que ça s'est arrivé. But, mais, the second part, la deuxième partie, when the Lord now lifts me, quand le Seigneur m'a soulevé maintenant, and for the first time, et pour la première fois, I saw the church worshiping before the throne of God. J'ai vu l'église en train d'adorer devant le trône de Dieu. I have seen the rapture. J'ai vu l'enlèvement. I have seen the coming of the Messiah. J'ai vu la venue du Messie. But I had never seen the church inside heaven. Je n'avais jamais vu encore l'église à l'intérieur du ciel. That was my first time to see her inside. C'était ma première fois de la voir à l'intérieur. And it was tremendous. C'était extraordinaire. They were wearing long, glorious garments. Ils portaient des robes glorieuses. That is the part I want to share with you. C'est ce que je veux partager avec vous. The long garment, la robe longue, when it reached down, quand ça touche par terre, it flowed a bit. Ça découle un peu à côté. It reached down and then flowed. Ça déborde un peu sur le terre. And all of them, et tous, were worshiping before the throne. Ils adoraient devant le trône. And look at this now. Regardez ceci. They were worshiping. Ils adoraient in unison, one direction together. En unison, une direction. And when they went on one side, they all went together like this. Dans l'autre direction, ils allaient ensemble dans l'autre direction. And from where the Lord had lifted me up. Et d'où le Seigneur m'avait élevé. Every time they made movements. Chaque fois qu'ils faisaient le mouvement, their garments, leur robe, gave out glory. Donnait la gloire. Like flashes of camera. Comme les flashs de caméra. Like thousands of camera, the glory, camera, la gloire, the glory of their garment, la gloire de leurs vêtements, was exuding. Ça brillait, ça étincelait partout, ça scintillait. Precious people, précieux peuple, what is the message the church in Congo? Quel est le message pour le peuple au Congo? Listen very carefully. Écoutez attentivement. I am speaking with this prophetic tongue. Je parle avec cette langue prophétique. So the things I say, alors les choses que je dis, will come to pass. Ça va s'accomplir. Remember that. Rappelez-vous de ça. Now listen. Écoutez. If you turn to the book of Exodus 28, si vous tournez dans le livre d'Exode 28, Exodus 28, Exode 28, from verse 1 to verse 4, around verset verse 4, 1 au verset 4, Exodus 28, Exode 28, have Aaron your brother brought to you from among the Israelites, along with his sons Nadab, Abihu, Eleazar, and Ithamar. Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans les sacerdoces, Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Eleazar et Ithamar. The French is very powerful. Le français est très puissant. He said consacrer. Il a dit les consacrer. Meaning to consecrate them. Les consacrer. That's very powerful. But he says, verse 2, mais verset 2 dit, make sacred garments for your brother Aaron to give him dignity and honor. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Wow. Make for him a sacred garment. Faites pour lui les vêtements sacrés. To give him dignity and honor. Pour lui donner la dignité et l'honneur. And if you read further on, et quand vous lisez plus bas, look at what he says. Regardez ce qu'il dit. Down there he tells Moses. Là, en bas, il dit à Moïse, that there are some people in the camp. Il y a quelques personnes dans le camp. That have received the Holy Spirit. Qui ont reçu le Saint-Esprit. And the instruction. Et les instructions. On how to prepare the garment. De comment préparer ces vêtements. Listen to this. Écoutez ceci. I see the church in the same place. J'ai vu l'église au même endroit. Aaron was living normal, normally. Aaron vivait une vie normale. Normally. Une vie normale. He was living normally in the camp. Il vivait normalement dans le camp. Eating. Mangeant. Talking about Egypt. Meat. Parlant de l'Egypte. The big pots of meat. Les pots de l'Egypte. The huge cucumbers. Les concombres de l'Egypte. And meat. Et la viande. And fish. Et les poissons. And the sweet water of the Nile. Et l'eau succulente du Nil. You know that Egyptians have written poems about the Nile. Vous savez que les Égyptiens ont écrit des poèmes sur le Nil. When they walk in Beijing and in Toronto. Quand ils vont à Beijing ou à Toronto. When they remember the sweet Nile. Quand ils se rappellent de leur Nil. They read the poems about the Nile. Ils lisent les poèmes sur leur Nil. They weep. Alors ils pleurent. They are homesick. Ils sont malades. Ils allaient manquer à la maison. They want to go back home. Ils veulent retourner à la maison. Aaron was living normally in the camp. Alors Aaron vivait normalement dans le camp. Until the time arrived. Jusqu'au moment où le moment est arrivé. For Aaron to appear before Jehovah. Pour que Aaron apparaisse devant l'Éternel. And when the time arrived. Et quand le moment est arrivé. To appear before the throne. De apparaître devant le trône. Then you hear the Lord now talking. Alors tu entends le Seigneur dire. About a garment. Au sujet des vêtements. He's saying. Il dit. To give him dignity and honor. Pour lui donner la dignité et l'honneur. As if. C'est comme all the other time, tous les autres moments avant, Aaron is there. Aaron était là. He has no dignity and no honor. Il n'avait aucune dignité, aucun honneur. Ah, oh. And he tells Moses, et il dit à Moïse, have Aaron, your brother, be brought out. Alors, prends ton frère Aaron, sors-lui de là. From among the Israelites. Au milieu des Israélites. When the time to appear arrives. Quand le moment d'apparaître arrive. The Israelites. Les Israélites. The chosen people of God. Le peuple choisi de Dieu. But he says. Mais Dieu dit. Be brought out from them. Il faut les sortir au milieu d'eux. I have come to Congo Brazzaville. Je suis venu au Congo Brazzaville. To announce to you. Vous annoncer. That I have seen the church appear. Que j'ai vu l'église apparaître. The time to appear has arrived. Le temps d'apparaître est arrivé. So now, alors maintenant, let those who have been called, laissons que ceux qui sont appelés, be brought out, qu'ils puissent sortir du milieu des autres, from the church, qu'ils sortent des églises là, separated from the church, il faut se séparer de ces églises, oh yes, oh oui, not separated from the world, ne séparer du monde, separate them from Israel, non, les séparer des Israélites. Separate from the church. Se séparer de l'église. And bring him out. Et le sortir de là. And when he comes out. Et quand il vient dehors. Give him a sacred garment. Donne-lui un vêtement sacré. To give him dignity. Pour lui donner la dignité. And honor. Et l'honneur. Oh. Oh. Oh. If you read further on in other versions. Si tu lis dans d'autres versions plus tard. They say. It is. For his consecration. Pour sa consécration. I have come, je suis venu, to separate the priesthood of God, pour séparer les sacerdoces de Dieu, from the church in Congo, de l'église du Congo, not from the world, pas du monde, from the church, mais de l'église même. Ah, oh, how can you do such a thing? Comment pouvez-vous faire des choses? How can you come to the church and do that? Comment pouvez-vous venir à l'église et faire ça? I have come, je suis venu. Oh yes. Oh oui. Oh yes. Oh oui. It is time for the true servants to separate from the church. C'est le moment des vrais serviteurs de Dieu de se séparer de l'église. How can you do what I'm doing? Comment pouvez-vous faire ce que je fais? To separate. De séparer. The true pastors. Les vrais pasteurs. From the body of Christ. Du corps de Christ. Good morning, bonjour. Bonjour. It is a new day. C'est un jour nouveau. And when he comes out, et quand il sort de là, the Lord tells Moses, le Seigneur dit à Moïse, go to the camp. Va dans le camp. There are some people there. Il y a quelques personnes là-bas. I think one of them is called Bezalel. Bezalel. Il y a un qui est appelé Bezalel. I have given them anointing. Je les ai oint. They know how to prepare the sacred garment. Ils savent comment préparer les vêtements sacrés. Today, aujourd'hui, the Lord has sent somebody to you. Le Seigneur a envoyé quelqu'un vers vous. With the particular instruction. Avec une instruction particulière. Specifications. Une spécification. On how to prepare the garment. De comment préparer les vêtements. But when I look at the church in Congo. Mais quand je regarde l'église au Congo. You are not yet speaking with this person. Vous ne parlez pas encore avec cette personne. Why? Pourquoi? He is in the church. Il est dans l'église. The Holy Spirit is in the church. Le Saint-Esprit est à l'église. He has the instruction. Il a les instructions. On how to prepare the garment. De comment préparer les vêtements. For appearing. Afin d'apparaître. Before the throne. Devant le trône. Why is the church in Congo? Pourquoi l'église au Congo? Not speaking with him. Ne parle pas avec lui. Moses went. Moïse est allé. And they prepared the exact garment. Ils ont préparé le vêtement exact. Do you understand me? Vous me comprenez? Oh, oh. I am announcing. Je suis en train d'annoncer. The dispensation of the Holy Spirit. La dispensation du Saint-Esprit. In the church. Dans l'église. You must stop everything. Vous devez arrêter toute chose. And surrender your ministry to the Holy Spirit. Et abandonner vos ministères entre les mains du Saint-Esprit. And tell him. Et lui dire. Teach me your ways. Enseigne-moi tes voies. Prepare your bride. Prépare ton épouse. Even the church. Même l'église. I have seen the church appearing. J'ai vu l'église apparaître. And so. Alors. There is need for the garment. Il y a un besoin de vêtements. You need the garment. Vous avez besoin de vêtements. And we need to consult the Holy Spirit. On doit consulter le Saint-Esprit. That you may prepare the garment. Afin que vous prépariez le vêtement. What a mighty message of the Lord. Quel message puissant du Seigneur. The message of the garment. Le message du vêtement. Wow. Wow. You are the priesthood of the garment. Vous êtes les sacerdotes pour les vêtements. You are the generation of the garment. Vous êtes la génération pour les vêtements. And he says the garment is righteousness. Il dit que le vêtement c'est la droiture, la justice de Dieu. The garment is holiness. Les vêtements là c'est la sanctification. So you wonder why do pastors? C'est comme demander comment les pasteurs go around looking for food, preaching, changing the word for food, changer la parole à cause de la nourriture. Oh, you see, God loves a cheerful giver, so you need to give, that's why you are suffering. Alors, il faut vous donner, si vous donnez pas, c'est pourquoi vous souffrez. And sometimes they take a scripture. Des fois, ils prennent une écriture. If it is chapter 3, verse 13, they use the same figure. Ils prennent la même figure. Apostasy in the church. L'apostasie dans l'église. We need to clean up the garment. On doit nettoyer nos vêtements. Remove sexual sin from the church. Enlever le péché sexuel dans l'église. And you pastors have the authority and power. Et vous les pasteurs, vous avez l'autorité et le pouvoir. You can literally prepare the church. Vous pouvez littéralement préparer l'église. Make sure you stop the false prophecies. Mettez sûr que vous arrêtez les fausses prophéties à l'église. If God has not spoken with you, si Dieu ne vous a pas parlé, it's all right. C'est comme c'est bon. Just say God has not spoken with you. Dites-moi, Dieu ne m'a pas parlé. If God has not called you, si Dieu ne t'a pas appelé, to be apostle, être apôtre, or a prophet, ou un prophète, just say it's okay. Let me go to God and ask Him to call me. Et laisse-moi aller vers Dieu et demander de m'appeler, c'est tout. God is still calling people. Dieu continue à appeler les gens. But don't lie. Mais ne mentez pas. Ananias and Sapphira lied. Ananias et Sapphira ont menti. And died. Et ils sont morts. In the New Testament church. Dans le Nouveau Testament, l'église du Nouveau Testament. The wages of sin is death. Le salaire du péché, c'est la mort. There is so much about the garment. Il y a tellement de choses sur les vêtements. The Lord is saying. Le Seigneur dit ceci. That the time has come. L'heure est arrivée. For the church, pour l'église, to return to him, de revenir à lui. The bride of Christ, l'épouse du Christ, is the church, c'est l'église. It is not the Hindu religion, ce n'est pas la religion hindoue. It is not the Muslim religion, c'est pas l'islam. It is the church, c'est l'église. So the church must prepare. Alors l'église doit se préparer.